Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de retrouver le MAG sur Radioactive. Vous nous écoutez à Montlouis sur le 93 et sur Amboise sur le 94.7. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui est une belle journée parce qu'il y a du soleil. Nous avons retrouvé Maxine. Bonjour Maxine. Bonjour Marlène, comment ça va? Ça va très bien, on est très contents de te revoir pour un court moment mais très sympa. Et moi aussi, ça fait plaisir d'être de retour. Maxine qui nous apporte le soleil. Et aujourd'hui, on va parler d'un chouette sujet solidaire qui concerne l'association des donneurs de voix et de la bibliothèque sonore de Touraine. Nous avons pour cela deux invités. Alors, un dont la voix vous rappellera quelques moments poétiques sur notre antenne, Guy Housset. Bonjour Guy. Bonjour Marlène. Bonjour Maxine. Bonjour. Alors Guy, il est donneur de voix, il nous expliquera juste après de quoi il s'agit. Et puis Alain Debras, bonjour Alain. Bonjour Marlène, bonjour Maxine. Alain est président de la bibliothèque sonore de Tours, mais également de Blois. Tout à fait. Alors, petit historique peut-être déjà pour expliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit. C'est une association qui a plus d'une cinquantaine d'années maintenant. Voilà, elle a été créée il y a 52 ans aujourd'hui. Elle a été créée à Lille. Par un monsieur qui s'est rendu compte que malheureusement les personnes malvoyantes n'avaient pas accès à la lecture. Donc il est parti de ce principe-là, a commencé à enregistrer lui de son côté des livres, seul, enregistrés sur cassette. Il a fait boule de neige et aujourd'hui il y a une centaine de bibliothèques sonores disponibles dans toute la France. Donc le principe c'est on lit un livre, l'enregistre. Et du coup, ça peut bénéficier à quel public? Parce qu'on parle évidemment de malvoyants, mais pas que. Au début, l'association s'était penchée exclusivement vers les malvoyants. Mais depuis une dizaine d'années, on a ouvert notre sphère d'action aux enfants dyslexiques, parce qu'on s'est aperçu qu'il y en avait énormément. Mmh. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, on s'ouvre aux personnes qui sont en situation de handicap, autre handicap que malvoyants ou dyslexiques, mais qui sont empêchés de lire en raison de leur handicap. Et ça concerne également la sphère professionnelle, puisqu'il existe des ouvrages qui sont à destination de professionnels, vous me disiez hors antenne, notamment des formateurs. Oui, là, il y a eu une opération unique qui a été faite spéciale pour des formateurs de personnes qui sont dyslexiques. Mais là, ça a été spécifique, hein, parce qu'il est vrai qu'on enregistre peu de livres professionnels, parce que déjà, c'est assez compliqué à enregistrer. Puis nos donneurs de voix ne sont pas forcément attirés par ce genre de lecture. Ouais. Par contre, on a signé un partenariat tout récemment avec la Bibliothèque nationale de France qui nous permet d'avoir accès à tous les livres qui sont enregistrés. Puisque en plus aujourd'hui, tous les éditeurs doivent transmettre leurs livres sous format audio à la Bibliothèque de France. Donc ça peut permettre... C'est une obligation légale. Oui. Aujourd'hui, ça va permettre à des étudiants qui veulent avoir un livre de droit ou technique ou économique, on peut le récupérer auprès de la Bibliothèque de France. Vous êtes plus dans une activité loisir. On est plus dans une activité loisir ou une activité scolaire. Parce qu'on enregistre quand même beaucoup de livres pour les scolaires à la demande des professeurs ou des parents directement. C'est une activité qui est complètement bénévole. C'est totalement bénévole. Les bénévoles agissent de leur propre chef. Donc, ils passent surtout les donneurs de voix passent un temps relativement important pour l'enregistrement des livres et ils le font de façon totalement gratuite. Voilà. Et les livres sont mis. Et l'accès est totalement gratuit. Les personnes s'enregistrent chez nous, justifient auprès de nous de leur situation de handicap, puisqu'on bénéficie de l'exemption de droit d'auteur. Donc, en contrepartie, il faut qu'on justifie quand même que la personne est en situation de handicap, que la personne, quand elle s'inscrit, elle s'engage sur l'honneur à n'utiliser que parce qu'elle est en situation de handicap, à ne pas le diffuser aux petits copains ou aux autres membres de la famille qui, eux, ne sont pas en situation de handicap. C'est un engagement sur l'honneur. Et sinon, c'est totalement gratuit. Oui, parce que sinon, il y aurait une espèce de concurrence avec ce qui existe déjà en matière de livres sonores. Mais on vérifie quand même par derrière si les personnes ne prennent pas trop de livres d'un seul coup. L'accès est de 25 livres par mois, ce qui est quand même énorme à écouter. Et si on voit qu'une personne, c'est arrivé une fois, un jeune, d'un seul coup, il avait pris pratiquement 30 livres dans le mois, on s'est dit, il y a un problème, donc on est intervenu tout de suite pour les parents, pour remettre les choses dans l'ordre. Mais c'est arrivé une fois. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes président, Alain? Je suis dans ma 5e année. Et qu'est-ce qui fait qu'on s'engage là-dedans? Vaste question. C'est la vaste... Préparez-vous, Guy, vous aurez la même après. Vaste question. À l'origine, les bibliothèques sonores ont été créées par les clubs Lyons. Et donc, moi, j'étais Lyons. Le président qui était avant était Lyons aussi. Mais comme il prenait des fonctions relativement importantes au Lyons, il ne pouvait plus assurer la totalité de la présidence de la Bibliothèque Sonore. Donc il est resté vice-président et il m'a demandé gentiment de prendre la présidence. Voilà, c'est fait tout simplement. D'accord. Puis celle de Bois, l'année dernière, le président, pour raison professionnelle, a dû démissionner. Il n'y avait personne à Bois pour reprendre la Bibliothèque Sonore. Donc on m'a demandé si je pouvais le faire. Donc j'ai dit bon. Méfiez-vous, s'il y en a d'autres qui s'en vont, vous allez vous retrouver multi-président de plein d'antennes. C'est un peu le problème qu'il y a au niveau de nos bibliothèques sonores, c'est qu'on commence à avoir du mal à trouver des présidents. Et je crois que c'est un peu le même problème dans toutes les associations. Oui, tout à fait. Et ça, on retrouve ça donc, au niveau environnemental comme au niveau culturel. Enfin, voilà. Alors, Guy, de votre côté, qu'est-ce qui fait qu'on devient donneur de voix? Ça fait 3 ans pour votre part. Oui, ça fait 3 ans que je suis donneur de voix à la Bibliothèque Sonore de Tours. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on devient donneur de voix? D'abord, il faut aimer les livres. Si on n'aime pas la lecture, on ne peut pas être donneur de voix, à mon avis. Et puis, il faut aimer transmettre quelque chose. Et moi, j'aime transmettre, et d'autant plus que, de par mon ancien métier d'opticien, comme je disais, moi, je vendais de la vue. Et je connais très bien les malvoyants, ceux qui ne peuvent plus lire. C'est véritablement un calvaire pour eux. Et donc, j'ai décidé de prolonger mon activité en quelque sorte d'opticien en lisant des livres pour la Bibliothèque Sonore. Et c'est un plaisir parce que c'est un plaisir à la fois de donner quelque chose, mais c'est un plaisir personnel aussi. Parce que j'adore la lecture à haute voix. Alors nous, on vous connaît bien sur Radioactive parce que vous êtes notre donneur de voix poétique. Et justement, est-ce que vous allez chercher dans vos propres goûts personnels pour proposer un livre? Est-ce que, par exemple, vous allez proposer plus de poésie qu'un autre donneur de voix parce que c'est votre truc? Oui, essentiellement. Je n'enregistre que des livres qui me plaisent. Sans ça, je ne les ressens pas et je ne peux pas les lire correctement. J'enregistre pas mal de poésie. Là, actuellement, j'enregistre un livre de poésie de Cavafis, un poète grec qui n'est pas très connu, mais qui écrit de très belles choses. Et si je l'enregistre, c'est parce que je le ressens très bien. J'ai quelque chose qu'il me communique et que moi, je veux communiquer aux autres par la même. Voilà. Sur le contenu, on retrouve des livres, mais également, vous nous disiez tout à l'heure, Alain, il y a également des revues. Il y a toutes les revues nationales sont enregistrées et sont disponibles également gratuitement. Le catalogue représente combien d'ouvrages? Alors, le catalogue national, il est un peu plus de 320 000 livres à peu près de disponibles. Énorme. Et sur l'ordinateur qui permet aux gens de télécharger directement, il y a à peu près entre 23 000 livres de disponibles. Très bien. Est-ce que vous aimez la musique? Oui. Oui? Ah oui, beaucoup, oui. Est-ce que vous aimez Anne Sylvestre? Oui. Ah oui. Je voudrais rajouter aussi pour les donneurs de voix, tout récemment j'ai été contacté par une bibliothèque dont la responsable a un service pour les jeunes de lecture à voix haute. Et ils m'ont appelé justement parce qu'ils seraient intéressés pour enregistrer des livres, pour que les enfants puissent enregistrer des livres pour des autres enfants. Super. Alors j'ai trouvé cette expérience vraiment sensationnelle. Donc j'ai dit oui tout de suite et je pense qu'on va pouvoir commencer à le faire au mois de juin. Eh oui, la lecture, hein. Quel plaisir, voilà. Alors, on va justement écouter Anne Sylvestre avec « Écrire pour ne pas mourir ». Très belle chanson, on se retrouve tout de suite après pour continuer à parler des donneurs de voix et de la Bibliothèque Sonore de Tours, mais également de Blois. Que je sois née d'hier ou d'avant le déluge, j'ai souvent l'impression de tout recommencer. Que j'ai pris ma revanche ou bien trouvé refuge dans mes chansons, toujours j'ai voulu exister. Que vous sachiez de moi ce que j'en veux bien dire, que vous soyez fidèle ou bien simple passant, et que nous en soyons juste au premier sourire. Sachez ce qui pour moi est le plus important, oui le plus important. Pas mourir, écrire sagesse ou délire, écrire pour tenter de dire tout ce qui m'a blessé, dire tout ce qui m'a sauvé, écrire et me débarrasser. Écrire pour ne pas sombrer, écrire au lieu de tournoyer, écrire et ne jamais pleurer, rien que des larmes de stylo qui viennent se changer en mots pour me tenir le cœur. Quelques décades, je ne supporte pas de voir le temps passer. On arpente sa vie au pas de promenade et puis on s'aperçoit qu'il faudra se presser. Que vous soyez tranquille ou plein d'inquiétude, ce que je vais vous dire, vous le comprendrez. En mettant bout à bout toutes nos solitudes, on pourrait se sentir un peu moins effrayé, un peu moins effrayé. Écrire pour ne pas mourir, écrire tendresse ou plaisir, écrire pour tenter de dire, dire tout ce que j'ai compris, dire l'amour et le mépris, écrire me sauver de l'oubli. Écrire pour tout raconter, écrire au lieu de regretter, écrire et ne rien oublier, et même inventer quelques rêves de ce qui empêche qu'on crève quand l'écriture un jour s'achève. Qu'on m'écoute en passant d'une oreille distraite, ou qu'on ait l'impression de trop me ressembler, je voudrais que ces mots qui me sont une fête, on ne se dépêche pas d'aller les oublier. Que vous soyez critique ou plein de bienveillance, je ne recherche pas toujours ce qui vous plaît. Quand je soigne mes mots, c'est à moi que je pense. Je veux me regarder sans honte et sans regret, sans honte et sans regret. Pas mourir, écrire grimace et sourire, écrire et ne pas me dédire, dire ce que je n'ai su faire, dire pour ne pas me défaire, écrire habiller ma colère, écrire pour être égoïste, écrire ce qui me résiste, écrire et ne pas vivre triste et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos, écrire et pas me foutre à l'eau. Et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos. Écrire et pas me foutre à l'eau. Écrire pour ne pas mourir, pour ne pas Anne Sylvestre, que l'on entend peu, mais qu'on entend sur Radioactive. Vous êtes toujours dans le MAG. Aujourd'hui, nous parlons des donneurs de voix à la Bibliothèque Sonore de Tours, également de Blois. Nous sommes en compagnie de Guy Housset, qui est donneur de voix depuis 3 ans, et Alain Debras, président de la Bibliothèque Sonore de Tours et de Blois. Et puis, il y a Maxine également avec nous. Bonjour Marlène. Alors, nous avons parlé de l'historique de cette association, de son fonctionnement un petit peu. Moi, je voulais revenir sur le choix des livres. Est-ce que les bénéficiaires peuvent, eux aussi, faire des propositions? Ah, bien sûr, les gens peuvent appeler pour leur dire, tiens, j'ai entendu parler de ce livre-là, est-ce qu'il est disponible? Donc, si la première chose que l'on va faire, on va regarder s'il est disponible dans notre catalogue, déjà à Tours, mais après dans les autres bibliothèques. Donc, dans une bibliothèque, on va simplement le récupérer. S'il n'est pas disponible, ben on va tout simplement demander à un donneur de voix de bien vouloir l'enregistrer. Mmh. Tu avais une question pertinente tout à l'heure, Maxime. Donc, cette bibliothèque, on parle donc de livres qui sont enregistrés, mais c'est quand même un lieu physique sur Tours. Hein. Oui, on a des locaux à Tours. À Tours, on est au foyer Pasteur, 53 rue du Sanitas. On dispose de 4 locaux avec un studio d'enregistrement. Et là, c'est un lieu où gravitaient pas mal de personnes qui étaient empêchées de lire, voilà, qui venaient récupérer des supports. Jusqu'au moment du Covid, il y avait quand même pas mal de bénéficiaires malvoyants, surtout des personnes âgées, qui venaient régulièrement pour rendre leur CD, en prendre un nouveau, etc., échanger avec nos donneurs de temps. Mmh. Mais depuis le Covid, malheureusement, elles ont perdu cette habitude et malheureusement, on n'a plus cet échange. Il y a très peu de personnes qui viennent. Malheureusement, on n'a qu'une donneuse, il n'y a qu'une personne qui vient, qui est une malvoyante, qui vient régulièrement à nos réunions parce qu'on a souhaité, dans nos réunions de bureau, etc., avoir quand même une bénéficiaire pour qu'elle nous donne son avis, etc. Et donc, malheureusement, c'est un peu la seule qui vient nous visiter. Et malheureusement, ce n'est pas le phénomène propre à Tours, c'est le même problème à Blois, c'est le même problème dans toutes les bibliothèques. Toutes les bibliothèques ont constaté que depuis le Covid, il y a eu cette coupure, qui est dommageable parce que nos donneurs de temps aimaient bien échanger directement avec ces personnes. Et donc, le fait que les bénéficiaires ne se déplacent plus forcément, vous savez quand même combien vous en avez? Vous avez quand même à savoir leurs envies? Oui, parce que s'il n'y a pas un échange physique, hein, il y a un échange téléphonique qui est régulier, puisque les gens appellent. Ou simplement, quand ils nous renvoient leur CD, on a un petit mot qui est pas mis naturellement par la personne qui est malvoyante, mais qui est mis par quelqu'un de leur famille en disant, voilà, on aimerait avoir tel livre. Est-ce que vous pouvez nous renvoyer le catalogue, etc. Donc, il y a quand même un échange, mais il n'y a plus d'échange physique. On parle de donneurs de voix, mais vous avez évoqué à plusieurs reprises les donneurs de temps. Oui. C'est quoi ? Les donneurs de temps, c'est les autres bénévoles qui s'occupent des autres tâches, donc le secrétariat, les personnes qui vont avoir l'échange justement avec les donneurs de voix pour leur proposer des livres, etc. Les personnes qui reçoivent les CD et qui les renvoient, qui ont cet échange justement avec les bénéficiaires. Puis il y a le service de contrôle, parce que naturellement les donneurs de voix enregistre le livre, mais d'ailleurs, on a des personnes qui vont vérifier la qualité de l'enregistrement, quelquefois le corriger les bruits de fond, des soufflements, etc., les tous, etc. Et c'est eux qui sont formés pour ça et qui vont décider si le livre est bien enregistré. S'il est mal enregistré, ils vont le retourner au donneur de voix, ce qui est vrai, rarement à tour, il faut le reconnaître, puisque pratiquement... Vous avez très bons bénévoles, c'est pour ça. Et qui sont bien formés aussi. Et pratiquement, nous, tous les livres, 100% des livres qui sont enregistrés, la dernière, on en a enregistré 145. Les 145 ont été remis sur le serveur national. Ah ouais, donc, la qualité est là. Donc, 145 livres, on a 27 donneurs de voix actifs. Donc, vous voyez que chacun en enregistre quand même un certain nombre. Mais comment on devient donneur de voix? Est-ce qu'on passe une audition? Est-ce qu'on lit un script? Et qu'après, Alain va dire... Non, c'est pas moi. Non, il n'y a pas ce genre d'enquête, mais disons que le premier livre que nous faisons, il est contrôlé. Et là, on sait si on a bien enregistré, si on a enlevé les bruits parasites, parce que de notre côté, en tant que donneur de voix, avec notre logiciel que nous avons à la maison, on peut enlever des bruits parasites. Mmh. Donc, on en enlève le maximum. Et puis, il est certain qu'une personne, un donneur de voix qui n'y arrive pas trop bien, au bout d'un certain moment, il finit par abandonner. Mmh. Hein, il va pas insister, c'est ce qui est logique. Mais il n'y a pas de contrôle policier dans ce genre de choses. Non, je parlais plutôt d'un gage de qualité, effectivement. Un gage de qualité, oui. Donc, à l'origine, quand une personne veut être donneur de voix, la première chose qui est faite, c'est qu'on va vérifier si sa voix passe bien. Mm-hmm. Parce que malheureusement, il y a des voix qui passent mal. Mm-hmm. Ensuite, il y a une formation qui est faite. Il y a une formation déjà, comment il faut parler, etc. Puis une formation sur l'utilisation du logiciel. Mais il faut dire les choses claires, c'est que généralement, sur 10 personnes qui vont venir pour être donneur de voix, une fois qu'elles ont fini la formation, s'il en reste une, c'est déjà très bien. Ah oui, parce c'est dissuasif. Parce que les gens se rendent compte que c'est un travail énorme. Eh oui. Parce qu'il faut déjà lire une première fois le livre et après l'enregistrer. Et l'enregistrement, en moyenne, c'est 4 fois la lecture du livre. Mmh. Donc ça prend un temps fou. Donc Guy peut le confirmer. Oui, tout à fait. Mais donc, il ne nous fait pas peur, hein, Alain. Pas du tout. Ce que je disais, les gens abandonnent par eux-mêmes parce que soit qu'ils ne se sentent pas capables de le faire, et dans ce cas-là, ils se retirent du projet. Mais ça se fait en douceur, tout ça, ça se fait en douceur. Mais c'est vrai qu'un sur 10, ce n'est pas beaucoup. C'est pour ça qu'il faut recruter pas mal pour avoir des donneurs de voix. Oui, c'est un vrai engagement. C'est un engagement, oui, bien sûr. Il faut le faire très sérieusement. Sans ça, ce n'est pas la peine. Et il faut se réécouter sans arrêt pour voir si on bafouille, refaire une phrase, etc. Mmh. On a toutes ces possibilités avec le logiciel. Hein. C'est quand même très pratique. Un peu comme vous quand vous faites vos montages radio. J'y pensais. Et on ne se rend pas compte quand on écoute le rendu final de ce que ça a demandé comme travail. J'en suis tout à fait conscient, oui, tout à fait. Alors en plus des livres et des revues, localement ici, on enregistre la revue municipale de Mont-Louis. Ah, d'accord, on suit l'actualité aussi. Voilà, donc on a un échange avec la commune de Mont-Louis. On a un partenariat déjà qui a été signé à de longue date avec la médiathèque. Mais en plus, on enregistre gratuitement pour la mairie, pour permettre aux personnes qui sont malvoyantes de pouvoir accès à cette revue municipale. Alors, actualité locale. Et alors justement, parlons des partenaires financiers qui vous aident un petit peu, parce qu'on sait que voilà, dans le secteur associatif, hein, on n'est pas sans savoir que c'est toujours compliqué, hein, qu'on sort les rames pour trouver des financements. Est-ce que vous avez des soutiens? Des soutiens, on a quelques communes, dont la commune de Mont-Louis qui nous soutient depuis des années, et très régulièrement et très vite, parce que je reconnais que entre le moment où on dépose la demande de subvention fin septembre, généralement pratiquement fin octobre, on a assez rapidement l'acceptation et le versement très rapidement aussi. Et pour la taille de la commune, je reconnais que la commune est généreuse pour nous. Donc, je remercie le maire, j'ai déjà eu l'occasion de le remercier, et je remercie la commune de ce soutien. Parce que, naturellement, tout ce qu'on offre, c'est gratuit, mais malheureusement, on a des charges en face. Hein. Bien sûr. Et les subventions, globalement, représentent à peine un tiers de notre budget. Et le reste, c'est des dons qui nous sont faits par des particuliers. Ou des associations. Ou des associations, etc. Hein, il y a eu le club de Guy qui nous a soutenus l'année dernière ouvertement en nous offrant deux lecteurs. Les démons de Mont-Louis. Les démons de Mont-Louis, etc. Oui. On a les clubs Lyons aussi qui nous soutiennent. Et après, le reste, ce sont des particuliers. Mmh. Nous avons organisé un concert avec un tribute Goldman, Louise Attaque. Oui. Et les bénéfices sont revenus, cette fois-ci, à la bibliothèque sonore. Voilà. Et ces deux lecteurs qui ont été offerts par les démons de Mont-Louis, on en a encore un. Et le premier, on l'a offert à une personne qui avait fait, un jeune qui avait fait deux AVC et qu'il avait 35 ans. Et qui était totalement dans l'incapacité de pouvoir lire par lui-même. Donc on l'a offert, puisqu'il nous avait été offert, on l'a offert gratuitement. Comment on peut faire si on écoute cette émission et qu'on a envie de vous soutenir? Alors, il y a évidemment la possibilité de devenir donneur de voix si on en a l'assiduité et les compétences, hein, mais comment aussi, on peut faire financièrement? Ah ben on peut aussi devenir donneur de temps, parce que on a des bénévoles, mais qui sont âgés, il faut les reconnaître. Et l'année dernière, on a eu à remplacer deux personnes. Et je pense qu'à court terme, on aura à remplacer notre secrétaire qui fait un travail énorme et qui commence aussi à fatiguer, etc. Et on aura à remplacer le responsable de formation un peu technique, etc., qui lui aussi commence à fatiguer et qui nous a dit « j'aimerais bien prendre ma retraite ». Parce que bon, et même s'il ne les fait pas, il a quand même passé 80 ans et les années commencent à s'accumuler. Donc, on a besoin de temps. Et après, bon, ça peut être, si les gens veulent nous aider financièrement, c'est tout simplement de nous envoyer un don à l'association au 53 rue Nusianitas à Tours. Ce don bénéficiera d'ACERFA et déductible des impôts, puisqu'on est reconnu d'utilité publique. D'accord, c'est important de le préciser. Tout à l'heure, vous nous disiez également qu'on a beaucoup parlé de livres, de revues, mais il y a aussi des pièces de théâtre avec des voix multiples. Voilà, il y a depuis 3 ans, on a décidé d'enregistrer des pièces de théâtre à voix multiple. Bon, déjà parce qu'il y a certaines personnes qui nous les demandaient. Mmh. Et surtout, ça nous a permis aussi de pouvoir regrouper un peu les donneurs de voix. Parce que naturellement, ils enregistrent chez eux et ils se connaissent très peu. Mmh. Donc, de les faire venir dans la salle d'enregistrement et d'enregistrer plusieurs voix, ça leur a permis de pouvoir échanger directement. C'est un peu le deuxième but de l'action qui est faite, c'est qu'on puisse un peu voir un peu plus les donneurs de voix. Mmh. Il faut un peu une âme d'acteur pour pouvoir enregistrer ces pièces de théâtre, non? Ou vous les lisez simplement ou vous les jouez vraiment? Non, les gens les jouent, mais les donneurs de voix, de toute façon, ils ont une formation régulière par une comédienne qui vient régulièrement. D'ailleurs, il y a une formation qui est prévue là, prochainement. Et tous les ans, tous les 2 ans, cette comédienne vient pour redonner des cours, pour apprendre à parler. On parle de formation de lecture, de formation technique. Ça prend combien de temps, tout ça, pour se former et devenir donneur de voix? Oh, ça dépend des individus, mais moi, disons, en un mois, j'étais formé à peu près. Hein, en un mois, j'étais opérationnel. Personnellement, moi, j'enregistre à peu près un livre par mois. Je me tiens à peu près à ça. Mais bon, voilà, c'est un gros travail. Hein, c'est effectivement un gros travail, mais c'est un plaisir aussi, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment un plaisir. Aimer la lecture, aimer lire à haute voix, c'est intéressant. C'est intéressant. Et on a une autre compréhension, soi-même, on a une autre compréhension du texte quand on lit à haute voix. On découvre certaines choses chez l'auteur. Et ça aussi, c'est un intérêt personnel qui m'enrichit énormément. Alors, tout à l'heure, en off, vous nous parliez également d'un prix littéraire mis en place par l'association. Oui, voilà. Depuis quelques années, l'association a mis en place un prix littéraire qui est donné à un premier roman d'une sélection. Et ce sont naturellement nos audiolecteurs qui choisissent le livre. Au niveau national, il y a un concours qui est fait. Et la dernière sur Tours, même cette année, il y a à peu près entre 10 et 15 audiolecteurs qui participent, qui écoutent ce livre, qui donnent leur avis sur ce livre. Et il y a également des parrains au niveau national. Oui, donc parrain au niveau de l'association, au niveau national, on a eu... La première marraine a été Hélène Carrière-Dancos, hein, qui était à l'Académie française. Et depuis peu, c'est Bernard Thomazon. Mmh. Moi, j'ai presque envie de dire que vous êtes des donneurs de cœur, quelque part, parce que voilà, c'est du temps qu'on consacre aux autres qui ont des difficultés. Et moi, je trouve que ça vous va bien. Vous êtes des donneurs de cœur. Merci, Marlène. Merci. Hein, c'est joli. Hein. Oui, c'est joli. Donc, si on peut résumer, donc les gens, s'ils veulent avoir un peu plus de renseignements, peuvent aller sur le site des donneurs de voix. Donc, ils auront tous les renseignements disponibles sur Internet. Et sur Tours, on est au 53 rue du Sanitas, au foyer Pasteur, à Tours. Très bien. On est présent les mardis après-midi de 14h à 17h et le samedi matin de 9h à 12h. Très bien, c'est noté. Et si on veut vous faire un petit chèque, on l'adresse à quel ordre ? Vous le mettez à l'ordre de la Bibliothèque Sonore de Tours et vous l'adressez au 53 rue du Sanitas à Tours. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup Alain Debras. Je rappelle que vous êtes président de la Bibliothèque Sonore de Tours et de Blois et que vous êtes venu avec Guy Housset, donneur de voix et également animateur sur Radioactive, parce qu'il donne de la voix aussi chez nous. Merci à tous les deux. Merci Marlène. Merci Marlène. Merci Maxine. Merci Maxine. Merci et très belle continuation. Merci. Association. Merci à vous. Merci à tous. C'est la fin de ce mag. Vous pourrez le réécouter en podcast sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM.